droite, deux sur l'épaule de gauche. J'suis posé au quad, attendre que la mort me touche. 30 millions d'ennemis, mais zéro crainte. Tous ces pés des fonds blernis, tous ces pés de force plainte. Un ange à l'épaule droite, deux sur l'épaule de gauche. J'suis posé au quad, attendre que la mort me touche. 30 millions d'ennemis, mais zéro crainte. Tous ces pés des fonds blernis, tous ces pés des force plainte. Yuri par ci, Yuri par là. J'vais lui faire ci, j'vais lui faire ça. Mon prix pour un gentil star là. Qu'il ne mette pas le gène dans mes fers là. Ils espèrent que je flotte, ça te mal dans les studs. Mais en face, vont-ils assumer? Assumer, assumer. Quel de ces fils de pute va-t-il falloir fumer? Deux, trois soldats postichés. Outillés, outillés, obligés. Trop de ciné, trop de clichés. J'vous ai tous tricards, tous fichés. Comme Tony Montana, j'suis paranoïaque. Nique ta mère la pute, ton cœur n'est pas pur, c'est ce que me dit l'ammoniaque. Quand j'partirai de là, j'lèguerai mon corps à la science. Que les chercheurs de la zone 51 puissent déterminer le code génétique de la puissance. J'ai plus envie de rire, même à des funérailles de porc. Cru et hardcore, tellement dans le turfu qu'en vérité j'suis déjà mort. Quand j'ai blâle, monsieur, blâle, monsieur, j'dis pas, j'fume pas, te, pas, te. Pour me détendre, j'demanderai rien d'autre que me faire ses yeux par une boîte fumeux, boîte fumeux. Boîte fumeux, boîte fumeux. Puis, sacre bleu, sacre bleu. 16 mars dans les VUCA, c'est plus restro ICA. V'là le monsieur, v'là le monsieur. Un ange à l'épaule droite, deux sur l'épaule de gauche. J'suis posé au quad, attendre que la mort me fauche. 30 millions d'ennemis, mais zéro crainte. Tous ces pés des fonds blernis, tous ces pés des portes plaintes. Un ange à l'épaule droite, deux sur l'épaule de gauche. J'suis posé au quad, attendre que la mort me fauche. 30 millions d'ennemis, mais zéro crainte. Tous ces pés des fonds blernis, tous ces pés des portes plaintes. Ah, ça c'est la famine. Yuri Perestroïka, 16 mars. Et j'en recommande. Va le chercher. Va le chercher, va le chercher.